dans lequel on investit énormément d'énergie, on n'est pas prêt à laisser tomber de même. C'est pour ça que je dis on peut pas se fier à nos pensées et à notre mémoire et des motifs. C'est dans ce sens-là. Fait que toi, c'est parce que t'étais chanceux, t'as pigé la vibration de l'intelligence, de par ton intelligence. Sans ça, t'aurais été pogné avec. Ouais. Qu'il est devant l'inévitable de se dépasser. Ouais, mais c'est pas tous les hommes. Il y a bien des hommes qui sont devant l'inévitable de se dépasser, mais qui sont pas capables de se dépasser. Ça prend une vibration pour se dépasser. Lui, Ménard, il a fait la même chose. Ménard, il était dans la même situation que Bernard Labelle, différemment, une condition différente. Mais Ménard, quand tu m'as rencontré, il aurait bien pu pas se dépasser. Autrement dit, il n'aurait bien pu pas connecter avec cette vibration-là si moindrement il avait manqué de cette vibration-là en lui. Il n'aurait pas à côté. Parce que c'est un autre, ça, qui avait investi beaucoup d'énergie dans sa vie égocentrique. Puis 20 ans qu'il faisait ça, 20 ans. Oui. 10 ans. T'avais 20 ans. T'avais 20 ans. Quand ton bateau vient de couler, tu vois l'autre, mais quand t'es déjà un gros, tu y penses avant de changer. Ouais. Ouais. Quand t'es une petite chaloupe, tu prends une chance, t'as rien à perdre. Mais quand t'as un gros bateau, Charlie, puis tu vois un autre petit bateau, parce que le petit bateau, il peut être bien gros, mais il peut se mettre bien petit s'il veut. C'est ça qu'on fait, nous autres. On se met toujours plus petit, puis plus petit, puis plus petit. Se mettre gros, c'est servir des pouvoirs. Ils vont faire à ça. Ça peut apparaître comme un bien petit bateau, le pouvoir de la parole à bien du monde. Moi, je sais bien qu'il y a bien du monde qui m'écoute à la télévision ou qui vient des conférences et qui dit « C'est ça, tu vas là, je veux tout, c'est ça, tu vas là. » Il n'y a rien de neuf là-dedans. C'est clair comme de l'eau de roche, là-bas. Mais ils ne réalisent pas que c'est des trucs qui se promènent à travers des roches. Moi, je sais que quand tu es capable de voir à travers une menace apparente, une solution à un autre espace, et moi, je sais bien que si je regarde quand je t'ai rencontré, c'était extrêmement menaçant pour l'ego. Il y avait l'espèce de gambling de l'intelligence, je sais pas ça de même, qui faisait qu'il disait, ben, si tu y vois intelligemment, tu vas avoir tout à gagner. Au niveau de l'ego, je savais qu'il y avait une dégringolade qui pouvait se faire. Mais il y avait quelque chose au niveau de l'intelligence, une espèce de gambling, là, tu disais, bon ben, à l'intérieur de toi-même, là, en suivant ça, là, faire ta progression à toi, là, tu vas arriver à quelque chose. Il y a un gambling à chaque fois que tu changes un autre mouvement. Il y a une... Pour Bernard, ça... Il y a le gambling, c'est comme si tu déplaçais une énergie. Tu as mis une énergie complètement dans un domaine, tu l'as eu, ce gambling-là, puis là, tu déplaces ton gambling vers d'autres choses. Tu l'as tout le temps. Ben, c'est un moment, là, tu sais, un timing, là. Tu déplaces. Comme si tu avais un compte de banque d'énergie, tu le dépassais. Il y en a beaucoup. Ce que tu veux dire, c'est que tu changes la condition. Tu changes la condition de ton énergie. C'est ça. N'est-ce pas? Le gambling aussi. Gambling. C'est le bon mot. Ça sonne drôle. Essaye de comprendre ce qu'il dit. Dans mon monde. Je comprends ce qu'il veut dire, mais c'est que le mot, il se mord. Dans mon monde, quand tu prends un risque, dans ma tête, quand je prends un risque. Attends une minute, m'a parlé de ça, c'est intéressant ça. Les gens, quand ils parlent avec leur personnalité. Lui, quand il parle, là,

Fait que ça va loin l'affaire. On arrête-tu? On peut continuer, mais arrêter ça. Permettre aux gens de s'en aller s'ils veulent.